Ce matin, la Fabrique poursuit sa semaine sur les libérations de la France en s'interrogeant sur ceux qui ont produit les premières émissions de la radiodiffusion de la nation française libérée en août 1944 à Paris. Après avoir suivi pas à pas hier, dans le documentaire de Philippe Modol et de Christine Robert, les premiers pas justement de cette radio libérée, mais à Rennes, à Limoges, à Toulouse ou alors encore à Marseille, et avant demain de débattre des représentations de l'occupation et de la libération au cinéma avec Sylvie Lindeperg et Jean-Pierre Bertin-Maguitte, nous allons donc dans l'émission d'archives du mercredi écouter des archives de la radio libérée à Paris en août 44, une radio préparée de longue date au 37 rue de l'Université, le siège du studio d'essai créé par Pierre Schaeffer. Avec nous, Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous, donc, et l'historienne Karine Lebaille, chercheure au CNRS, au Centre Georg Simmel, à l'École des hautes études en sciences sociales. Le général Leclerc est maintenant rentré à la préfecture. Vous avez entendu, chers amis, les cris, les applaudissements qui ont salué son entrée, son arrivée ici. Général, puis-je vous demander quelques mots pour la radio de la nation française? Je suis un peu quelques mots, les premiers mots à Paris. Ça exprimera trop mal les sentiments. En conséquence, je préfère pas. Voilà, bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Première archive de cette émission d'archives. Bonjour Karine Lebaille. Bonjour. Une archive étonnante, puisqu'on a là non pas le général de Gaulle sur le parvis de l'Hôtel de Ville, mais le général Leclerc entrant dans Paris et refusant de faire une déclaration qu'il n'a visiblement pas préparée, alors que ses reporters sont chauds comme la braise. Ils ont véritablement envie de faire du reportage sur le terrain. Et le général de Clerc dit « Non, je n'arriverai pas à dire quelque chose qui corresponde à ce moment historique, Karine Lebaille. » Oui, c'est ce décalage entre une espèce de mobilisation intense d'un groupe, hein, un groupe presque armé radiophoniquement, pour préparer la libération. Et puis cet homme qui est assez taiseux, hein, de toute façon Leclerc était un taiseux, une figure assez hiératique aussi, hein, donc il en imposait pas mal à ses troupes. Par son image, mais peut-être pas par sa voix justement, ou par sa parole. Là, bon, en plus, c'est vrai que là c'est un peu sous-modulé, donc de toute façon on l'entend vraiment très très très loin. Et puis c'est sûr qu'à cette période, Leclerc, lui connaît Paris, mais ses troupes, il y a peut-être 10% des troupes qui connaissent la ville, donc ils sont de toute façon tous sous le choc de toute façon. Anaïs. Et puis c'est une équipe qui découvre aussi les aléas du reportage. Finalement, on a énormément de reportages sur cette période de libération de Paris, alors qu'on en a très peu auparavant. Oui, là, ce document, on est le 25 août. Pierre Crénez, qui est un des reporters qui va diriger le service des reportages, d'ailleurs, a été accrédité le 20 août. Donc c'est vrai. C'est une radio toute fraîche. Hein. Crénez ne fait pas de reportage pendant l'occupation. Et donc, cette radio, elle a été tout de même préparée de longue date, et c'est ce qu'on va raconter avec vous, donc Karine Lebaille, puisque vous êtes l'auteur, entre autres, avec Martin Kaltenecker, aux éditions du CNRS, de Pierre Schaeffer, Les constructions impatientes. C'est un collectif que vous avez dirigé avec Martin Kaltenecker, donc autour de Pierre Schaeffer. Et il faut tout de suite dire le nom de Pierre Schaeffer, puisqu'il va nous accompagner tout au long de cette émission. Pierre Schaeffer, ingénieur, polytechnicien, musicien. Né en 1910, on fêtait le centenaire justement, d'où la publication de ce volume, qui essaie de retracer une personnalité à multiples facettes, complexe, avec une pensée de l'action très particulière qui s'accompagnait toujours d'une écriture, hein, qu'elle soit autobiographique, sous la forme de petites notes, d'une correspondance, d'un journal romancé par exemple. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté pour l'historien face à des figures comme celles-ci qui sont à la fois extrêmement visionnaires mais aussi extrêmement fragmentées, ambiguës, ambivalentes dans des rapports complexes à l'écriture de soi, au récit de soi. C'est la difficulté de dégager le vrai du faux de ce qu'a pu écrire Schaeffer dans le monticule de documents qu'il a produits et qui sont conservés dans plusieurs centres d'archives. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que ce Pierre Schaeffer, donc avant la guerre, est polytechnicien. rien, mais s'intéresse déjà aux mises en scène théâtrales, s'intéresse déjà à l'écriture musicale, puisqu'il est issu d'une famille de musiciens et qu'il a une sorte de vision contrariée de son travail, parce que ses parents veulent qu'il fasse un travail sérieux, donc il va devenir polytechnicien, mais il va être aussi plus tard un des inventeurs de la musique concrète. Et donc, dans ces années 30, il est proche des milieux catholiques, il est proche d'Emmanuel Mounier, il est proche d'Esprit. En 40, il rejoint la Révolution nationale. Il va rester d'ailleurs au service de cette Révolution nationale au tout début de la guerre, 41, voire un peu 42 peut-être, on ne sait pas très bien. Il crée Radio Jeunesse, une série d'émissions donc de, à l'été 40. Et puis ensuite, il crée Jeune France, donc un groupe artistique, pourrait-on dire, où la radio tient un rôle, mais pas simplement, puisqu'il fait des grands spectacles pour Vichy dans des stades. Oui, c'est la grande association culturelle sous l'égide effectivement du secrétariat général à la jeunesse de Vichy, qui est quand même vraiment la tête de pont de la politique culturelle de Vichy. Donc il est vraiment dans les rouages de Vichy. Et quand il doit réécrire cette histoire plus tard, pour des mémoires romancées, le disiez-vous, Karine Lebaille, il s'approche de ce jeune homme qu'il était à ce moment-là, en disant qu'on a du mal à discerner justement les motivations de ce jeune homme, pourquoi il est entré aussi loin dans la Révolution nationale, avant d'entrer plus tard en 1943 dans la Résistance. L'écrivain Roger Lénard disait de Schaeffer qu'il virait de bord avec aisance, mais il dit, mais son action est toujours motivée, en fait, non pas par l'idéologie, mais ce qui anime Schaeffer, c'est vraiment il puise toute son énergie dans le groupe, l'énergie qu'il va donner pour fédérer le groupe. Donc le groupe et le petit camp scout quand il est étudiant, ça va être les troupes de théâtre catholique dans l'entre-deux-guerres. Schaeffer va être manager finalement. C'est un espèce de leader charismatique, de figure qui, à la différence du leader ou du manager, il demande à chacun des éléments de c'est comme quelque chose d'assez organique. Il imagine que tous les éléments du groupe participent d'une œuvre commune. Donc l'œuvre commune, c'est la régénération de la France quand il s'approche de Vichy et des idéaux de Vichy, du premier Vichy, comme on peut dire, jusqu'en 41. Et puis ensuite, ça va être le groupe résistant, donc cette sociabilité résistante assez particulière, à laquelle il donne une tonalité aussi très particulière. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Puis qu'il fréquente dès les débuts de la guerre, en fait. Ces résistants de la radio française, il les connaît depuis les années 30. Il a travaillé avec eux. Et c'est un homme de la fidélité. Justement, mu par le sentiment du groupe, de l'appartenance au groupe, les figures de l'entre-deux-guerres, on va les retrouver au secrétariat général à la jeunesse, on va les retrouver à Jeune France, et on va les retrouver ensuite au studio d'essai pour la préparation de la libération des ondes. Alors, dans ce groupe Jeune France, il organise des spectacles, on l'a dit, et puis il va créer progressivement des œuvres véritablement, disons, soit musicales, soit théâtrales. Vous avez choisi de nous faire écouter une première œuvre, Karine Lebaille, qui s'appelle Le Mendiant. Vous pouvez nous dire pourquoi c'est important dans cet itinéraire de Pierre Schaeffer qui va conduire plus tard à la Radio de la Libération. Oui, un document assez touchant dans la mesure où il existe peu de documents qui attestent d'une activité créatrice résistante pendant l'occupation. Évidemment, on a les œuvres composées, on a les partitions, mais là, on a vraiment un enregistrement effectué durant le printemps 44, alors que Schaeffer, depuis le début de l'année 44, commence à mobiliser ses troupes pour préparer tout un plan de programme d'émissions qui vont servir à l'immédiate après libération, parce qu'il a déjà pensé que, juste après la prise des antennes, on allait se retrouver avec rien. Ça allait devenir compliqué pendant quelques jours. Et puis personne, quoi, à part Jean Toscane, l'inoxydable speaker de la radio française avant-guerre et pendant l'occupation, qu'on va retrouver d'ailleurs dans des documents qu'on va écouter ce matin. Effectivement, les journalistes de la Radio Nationale, les journalistes collaborateurs de Radio Paris, évidemment, ne sont plus les bienvenus. Donc il faut de la matière neuve, nouvelle. Et ça, ce plan de senteur qu'a imaginé Schaeffer... Il imagine début 44, c'est ça ? Dès janvier 44, il commence à élaborer, mais là encore, il va aussi se servir d'autres enregistrements antérieurs qu'il a produits dans le cadre du studio d'essai à partir de 43. Ce document, donc, pour revenir à cette mélodie, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est composée par Francis Poulenc, donc c'est les chansons villageoises, c'est un cycle de six mélodies sur des textes de Maurice Fombeur, qu'il avait écrit lui-même en 42. Et chez Poulenc, va être après-guerre la figure du compositeur résistant. temps, puisqu'il a composé des cantates sur des textes de Paul Éluard, Figure humaine. Donc voilà, figure assez emblématique. L'œuvre est à peu près du même tonneau. Voilà où commence, pourrait-on dire, le travail de l'historien ou de l'historienne Karine Le Bail. On a une notice avec une date d'enregistrement. Là, on a la date d'enregistrement de la salle Gaveau, 24 avril 1944. Réalisé donc pendant l'occupation, avant la libération, par le studio d'essai de Pierre Schaeffer. Ce studio d'essai qui est créé en 1943, avec autour de lui des chefs d'orchestre, comme d'ailleurs Roger Desormières, qui dirige cet orchestre national à ce moment-là, des écrivains, des speakers, des journalistes, etc. Et on doit se dire, ben voilà, est-ce que cet enregistrement, il est clandestin? Il ne l'est pas? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Comment fait-on quand on se retrouve face à ces documents? En essayant justement de démêler ce qui est clandestin, ce qui ne l'est pas, ce qui est licite et ce qui est illicite dans l'action du studio d'essai. On a quelques documents quand même qui nous permettent de faire cette expertise-là, puisque dans le fonds d'archives de Pierre Schaeffer, qui maintenant est déposé à l'IMEC, on retrouve de nombreuses feuilles d'enregistrement, celles qu'on utilise encore aujourd'hui avec les droits d'auteur. Donc on sait à peu près quels sont les enregistrements. On a les programmes aussi de la radio pendant l'occupation. Et là, on découvre que Schaeffer a un petit peu transformé la réalité en faisant valoir que son studio d'essai ne s'occupait en quelque sorte que de la libération, de la résistance. Que c'était un groupe qui n'était pas du tout, qui s'était pas du tout commis dans la politique de la radio nationale de Vichy. Or, on voit qu'il émet quand même, ces programmes-là sont diffusés à de multiples reprises pendant l'occupation. Et qu'il n'y a pas, comme il l'a raconté, qu'un seul programme qui aurait été préparé pendant cette année et demie de préparation. Bien sûr. Mais qu'il en a préparé beaucoup d'autres et diffusé beaucoup d'autres. Tout à fait. Mais il a une très bonne couverture finalement. Mais c'est pour ça, c'est justement cette frontière très floue entre le licite et l'illicite qui va lui permettre de fonctionner sans être inquiété jusque les premiers mois de 44. Il va se faire limoger quand même au printemps 44. Mais en revanche, on sait que certains enregistrements sont véritablement clandestins. Ceux qu'il va présenter à son chef dans la résistance, le journaliste Jean Guignebert, qui est chargé par intérim d'être secrétaire général à l'information, on sait que enregistrer du Arnold Schoenberg pendant l'occupation, ça n'est pas pensable à la radio. Enregistrer du Darius Milhaud, ça n'est pas pensable. Ça n'est pas pensable non plus. Donc, ces séances se font de nuit. Et on a là aussi les témoignages et on sait parfaitement que ça s'est organisé ou très tard le soir ou à l'aube. On sait par exemple que le cantate de Schoenberg a été enregistré entre 6h30 et 8h du matin et qu'il a fallu 18 séances. Donc ça nous permet quand même de savoir, ce qui est dommage, c'est qu'on a pu ce quintet de Schoenberg. C'est bien dommage. Et puis que cet enregistrement des chansons villageoises est d'autant plus poignant qu'effectivement c'est Roger Desormières qui est la grande figure du musicien résistant, communiste avant-guerre, engagé à la première heure dans la résistance, que Pierre Bernac est un chanteur extrêmement célèbre dans l'entre-deux-guerres. Le bariton, qui parvient à ne jamais aller chanter à Radio Paris et qui résiste à toutes les sollicitations de l'occupant ou des ou du pouvoir ou du régime de Vichy. Et Schoeffer aussi, et Francis Poulenc aussi, le compositeur, se tient quand même dans une bonne retraite pendant la guerre. Donc c'est un petit peu une œuvre, un peu symbole. Est-ce que vous avez fait œuvre d'imagination en tant qu'historienne, en l'occurrence Karine Lemagne, en essayant de vous représenter et peut-être de nous dire ce qu'était ce 37 rue de l'Université, ce studio d'essai dans lequel s'est préparée justement cette radio de la Libération? C'est un hôtel particulier. Il est d'ailleurs représenté dans un film qui a été diffusé hier sur la chaîne Toute l'Histoire, mais qui va être diffusé dans une soirée sur cette même chaîne le 11 septembre prochain. Je vous conseille de le regarder parce qu'on y voit effectivement tous les lieux dont nous parlons, et en particulier ce 37 rue de l'Université. Un hôtel particulier dans lequel il y a installé ses comédiens, ses musiciens, ses journalistes, et où on prépare justement des émissions. Oui, c'est un peu la ruche, c'est une petite ruche dans un bel hôtel particulier, juste à côté des ministères, donc ils sont un peu dans la gueule du loup. Ils sont à côté du ministère du Travail, à côté des services généraux de la radio. Et le bâtiment lui-même n'est pas du tout prévu pour faire de la radio. Mais Schoeffer jette son dévolu sur ce bâtiment, justement, parce qu'il ne ressemble pas à un studio de radio. Mais d'ailleurs, c'est peut-être la partie la plus intéressante de ce documentaire qui a été diffusé sur Toute l'Histoire hier soir. C'est qu'on vous voit, Karine Lebaille, vous promener dans cet appartement en imaginant comment on peut faire de la radio dans un grand appartement haussmannien aux très larges fenêtres qui ouvrent sur une cour, et vous expliquez très bien les nécessités de faire de la radio. De quoi a-t-on besoin? De quelle isolation sonore? Comment il faut qu'on imagine aussi des ambiances? De quoi a-t-on besoin lorsqu'on fait de la radio? Et lorsqu'on fait de la radio de manière dissimulée? Enfin, pas toujours dissimulée. Le Dessert a organisé de nombreuses conférences, des spectacles avec les directeurs généraux de la radio et tout le gratin du milieu culturel parisien. Mais j'avais eu la chance en 2001 de visiter cet hôtel avec Micheline Dax, qui a été une des grandes figures, avec Pierre Dumayet, du Club d'essai, qui est dans la continuation du studio. Donc elle m'a tout expliqué. Donc c'est en fait toujours le témoin qui m'a aidé à rentrer dans les lieux. Et c'est vrai que se représenter l'organisation d'un studio quand on voit des salles vides comme elles le sont aujourd'hui, après ça a été habité, nous permet d'imaginer aussi la grande inventivité de ces hommes et femmes de radio qui utilisaient absolument tout. Ils se faisaient tomber, rouler dans les escaliers, ils utilisaient la cave comme chambre d'écho, les fenêtres pour sauter, pour imaginer des fictions, des séries policières. Le jardin permettait d'avoir un extérieur, puisqu'il y a un jardin d'ailleurs. Les oiseaux, les arbres, le gravier. Comme disait Pierre Dumayet, il disait que c'était une cour de récréation. Et chaque part qui grince fait partie de l'équipe de ce studio d'essai, finalement. Voilà, fait partie du lieu. Alors, il entre dans la résistance, Pierre Schoeffer, sous le nom de Toby, ce qui m'amuse pour une raison très particulière, puisque c'était le nom du générique de La Fabrique de l'Histoire jusqu'à cette semaine, puisque Toby, c'était la signature donc du générique qui avait été composé pour nous par Denis Charolles et la Compagnie des Musiques à Ouïr. C'est son pseudo de résistance, donc Pierre Schoeffer, Toby. Et il a autour de lui des gens comme Albert Olivier, comme sa secrétaire, qui est une résistante dès l'origine, dès 1940, à l'organisation civile et militaire. Il a donc François Devez, qui est un technicien, qui crée un réseau et qui va d'ailleurs le payer de sa vie, qui s'appelle le réseau Duvernois. C'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer ce que c'est que d'être dans une radio créée et voulue par Vichy en plein cœur de Paris, occupée par les Allemands, avec des réseaux de résistance qui y travaillent. On n'est pas en zone libre, là, en l'occurrence, et qui, d'une certaine façon, maintient la distance entre l'un et l'autre, d'une certaine façon, Karine Lebaille. On peut rapprocher peut-être ça des mouvements de résistance à ces techniciens comme résistance PTT. C'est-à-dire qu'ils ont les techniciens de la radio, comme ceux des PTT, détiennent une arme fabuleuse, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir sur les télécommunications et les transmissions. Et c'est sûr qu'il est difficile de se repérer dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs groupements résistants qui se croisent sans forcément se rencontrer, et c'est ce qui va d'ailleurs permettre l'indépendance de ce mouvement résistant. Autrement, la radio aurait été ou intégrée dans Résistance PTT, ou intégrée dans le mouvement Combat, ou là, elle a gardé son indépendance justement parce qu'il y avait plusieurs organismes résistants. Donc, on prépare ce qu'on appelle le plan de senteur, ce que Pierre Schaeffer appelle le plan de senteur, qu'il présente à Jean Guinbert, le directeur donc, de la résistance, celui qui dirige le service d'information, qui va diriger le service d'information nouvellement libéré. Il présente ce plan de senteur qui est donc de dire, pendant 3 jours, on peut émettre, pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, on peut émettre avec ce qu'on a enregistré et faire en sorte qu'il y ait la jointure entre la radio de l'occupation et la radio de la libération, c'est cela ? Oui, il imagine à la fois des programmes musicaux, donc ils enregistrent sur des disques, ils vont voler des disques au palais Berlitz qui est occupé par les Allemands, ils vont voler des faces et ils enregistrent l'hymne soviétique, ils enregistrent plusieurs documents. Il y a ces fameux documents enregistrés clandestinement qui s'intitulent les émissions de minuit, donc qui sont les répliques radiophoniques des éditions de minuit, donc parce qu'il y a beaucoup des acteurs du Comité national des écrivains, donc soit Éluard ou Camus. Et le Front national de l'époque. Et le Front national pour les musiciens, le Comité du Front national de la musique, là aussi, donc dans la mouvance du Parti communiste. Donc toutes ces personnes se retrouvent pour enregistrer plusieurs documents qui vont permettre effectivement à la fois de diffuser de la musique militaire, de la musique classique, de la musique légère, de la poésie, de la littérature, et puis des bulletins d'information qui doivent scander très régulièrement cette radio qui accompagne les combats. Alors, elle accompagne tellement les combats qu'on donne justement dans les émissions, et c'est Pierre Schaeffer qu'on va entendre, eh bien, des consignes pour chacun des quartiers. Là, on est du côté de l'Est de Paris, les quartiers du Ménil, Ménilmontant et République. Nous commençons notre 4e émission, celle-ci à destination de nos auditeurs des quartiers de Ménil, Charonne, Commières, Ménilmontant, Saint-Augustin et République. Nous allons répéter pour eux les informations de la soirée. Ils savent certainement tous que les Américains sont là, qu'ils sont à la préfecture de police et qu'ils sont dans le communiqué officiel. D'une part, nous avons su qu'ils avaient que les troupes du général Leclerc avaient passé la porte de Châtillon. Nous avons eu tout à l'heure un gendarme qui quittait les troupes du général Leclerc et qui avait bavardé avec les soldats français. Voici Arnaud vient de recevoir un coup de téléphone. Attends, je viens de recevoir un coup de téléphone d'un de nos auditeurs de Clamart qui nous décrit l'entrée des troupes américaines dans Clamart. Ils sont arrivés à 18h45, précédés de petites voitures dans lesquelles étaient des fusiliers marins. On ne voyait que des bérets bleus et des pompons blancs, nous dit cet auditeur. Ensuite suivaient des gros chars français, l'enthousiasme était absolument indescriptible, et derrière, seulement derrière, quelques chars américains. Une très importante troupe. Ici s'arrête la communication de notre auditeur. Nous avons dû couper pour d'autres informations. Très bien, bravo. C'est même la première fois qu'un bulletin d'information est informé par les auditeurs. Chers auditeurs, vous êtes notre premier informateur. Voici la première nouvelle immédiate qui nous est donnée par vous. Il est juste que vous en receviez la primeur. Voilà donc, on sait que Pierre Schaeffer avait la volonté d'inventer une nouvelle radio. Il a même inventé la radio participative dont tout le monde se gargarise ces temps-ci. Et le téléphone sonne, pourrait-on dire, parce que là, en l'occurrence, il se fait appeler par un auditeur qui donne des nouvelles de cette libération de la France. Ah oui, et puis on va retrouver dans les archives de Schaeffer, c'est incroyable. On retrouve plein de petits bulletins d'informations. C'est Ginette fait dire à Marcel qu'elle va bien. Donc c'est la radio aux airs de tam-tam, quoi. Et donc, on en appelle également au curé de la capitale. On nous annonce à l'instant de la CPDE que tout Paris actuellement est alimenté en courant électrique, sauf une partie de la banlieue privée de courant par secteur à certains moments en raison de la coupure du barrage de Tolpe. Très bien. Bon, alors maintenant, nous n'avons plus besoin de faire notre visite des quartiers et nous allons pouvoir donner l'information répétée, alors une bonne fois pour tout Paris, les informations, les deux informations officielles et en particulier demander à tous les curés des paroisses de Paris, de la part du secrétaire général à l'information, de se faire sonner les cloches à toute volée. Alors nous allons, comme plusieurs paroisses l'ont déjà fait, nous allons demander de bien vouloir de les sonner, par exemple à minuit. Hein? Mais déjà ça sonne un peu partout maintenant. Bon, on peut déclencher maintenant de tous les côtés, on peut sonner partout. Maintenant que Paris a électricité, dans tous les quartiers, nous vous demandons, chers éditeurs, nous vous demandons de prévenir vos curés, s'ils ne reçoivent pas notre audition, de bien vouloir faire sonner les cloches à toute volée. Eh bien, dites-leur aux nouveaux auditeurs, ceux qui viennent d'avoir l'électricité maintenant, ils s'en trouvent peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas encore les deux nouvelles officielles. Bon, alors dites-leur. Eh bien, l'armée du général Leclerc se trouve à Clamart, et à l'hôtel de ville, il y a, peut-être à cette heure-ci, y a-t-il déjà des soldats américains dans... Alors formidable, parce qu'on voit l'hésitation, c'est du direct là en l'occurrence, Anaïs Kien. Et oui, d'ailleurs c'est la grande difficulté peut-être de ce plan de Senteur, Karine Le Bail, c'est de, à la fois de prévoir pour pouvoir fournir une antenne et de laisser de la place à la spontanéité, à l'événement qui doit surgir dans cette radio. Et lorsqu'on voit toutes ces archives, parce qu'il y a énormément d'archives de ce plan de Senteur, lorsqu'on va à l'INA, on est d'ailleurs très étonné de voir autant de reportages, autant d'émissions à un moment aussi troublé de l'histoire française. Et on se demande un petit peu comment Schaeffer a réussi à doser, à élaborer des recettes qui permettaient tout cela à la fois, et peut-être même de jouer, de mettre en scène ce moment de trouble historique, ce moment de peut-être fausse spontanéité de temps en temps, où on surjoue l'étonnement, où on surjoue la surprise finalement de la libération. C'est toute la difficulté. Ça, c'est typiquement le genre de document qui nous met dans un état de grand désarroi. Parce que Schaeffer est tellement rompu à l'exercice du théâtre, justement. Il est tellement doué qu'il est tout à fait capable de reconstituer ce faux direct, ce faux imprévu, cette fausse panique, ces hésitations. Et on a beau tendre l'oreille, on peut comparer. Alors, on pourrait faire un exercice de critique, d'analyse génétique. Il faudrait d'ailleurs la faire peut-être. Il faudrait la faire. On peut faire appel à des jeunes chercheurs qui oui. pourraient s'y coller, parce qu'il y a oui. les documents, on le dit, et les documents sonores sont là, oui. et vous avez même retrouvé dans le fond Schaeffer des documents écrits, donc qui correspondent plus ou moins. C'est ça. Alors en fait, on peut, et comme Schaeffer va dès le 2 septembre, c'est-à-dire une semaine plus tard, diffuser la chronique sonore de Paris Libéré. Donc il a déjà, ça a été diffusé sur les ondes de la radio, donc ça a été monté. Donc il y a eu un premier montage. Il y a d'autres montages qui vont servir quand il va être évincé de la radio, qui va partir aux États-Unis. Il va diffuser son appel aux armes à Washington, à New York, à Chicago, pour montrer un peu l'héroïsme de cette radio en armes libérée. Donc entre tous ces documents, on est un petit peu perdu. Et est-ce que ça n'est pas ce qui est très complexe lorsqu'on s'approche d'un personnage comme Pierre Schaeffer? C'est... il est toujours partout en même temps. C'est-à-dire qu'il est en contact avec les réseaux de résistance et en même temps dans le système de Vichy. Et là, pareil, il est dans le direct, dans la spontanéité et en même temps dans l'ultra-préparation, dans l'écriture fine, dans l'écriture extrêmement élaborée. Oui, c'est assez juste. Mais j'aurais presque envie de dire qu'il est partout et nulle part. C'est plutôt une figure à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il n'est jamais véritablement au cœur des rouages de Vichy et il n'est jamais au cœur des rouages de la radio. C'est un homme qui vit de la marge et qui, de cette marge, construit une œuvre et une action. Alors, il a inventé donc le téléphone avec l'auditeur qui donne l'information, donc comme on le fait aujourd'hui, cette radio participative qui est si à la mode. Mais il invente aussi, d'une certaine façon, le making-of. Puisque dans ces documents qu'on a, on a la vie du studio d'essai pendant la libération, racontant ce qui s'y passe alors qu'on prépare les émissions. Dans des bureaux, on a repoussé les tables et jeté quelques matelas. C'est là que se reposent ceux qui vont venir vous parler tout à l'heure et dont j'ai pris indûment la place pour leur laisser une demi-heure supplémentaire de sommeil réparateur. Cette vie d'un studio de ville insurgée est quelque chose d'étonnant et d'émouvant. Toute une équipe qui se connaissait de longue date et vient de se retrouver pour sa nouvelle tâche qu'elle avait préparée soigneusement, vit depuis quelques jours dans une atmosphère héroïque. Une pensée la soutient, d'être la seule voix qui apporte à la France les nouvelles de la capitale combattant seule pour sa libération, mais qui apporte aussi aux autres capitales du monde, à celles d'Europe en particulier, à Bruxelles, à Amsterdam, à Prague, à Vienne, à Budapest, à Sofia, à Helsinki, à Oslo et surtout à l'héroïque Varsovie, toutes occupées encore par l'ennemi commun, la voix qui s'élève traditionnellement du Paris des barricades pour rappeler au monde sa vocation à la liberté. Mais l'équipe ne pense pas seulement pour soutenir son ardeur au monde, mais plus près de son cœur au nôtre, aux séparés, prisonniers, déportés, travailleurs en Allemagne. Hier soir, dans un corridor, j'ai croisé une jeune secrétaire qui disait à un de ses camarades « Nous sommes aussi entendus dans les camps. » c'est vrai. Moi-même qui vous parle, je suis ancien prisonnier. Nous écoutions le soir sur un poste clandestin les émissions françaises de Londres. J'imagine la joie de mes anciens camarades lorsque sur leur poste clandestin, ils ont pu entendre ces premières émissions clandestines françaises de France. Ces premières émissions clandestines, lancées du cœur de Paris occupé encore et mitraillé par les Allemands, voici que depuis dimanche, elles prennent de l'importance, se gonflent des communiqués des FFI, des nouveaux services officiels qui s'efforcent de maintenir la vie de Paris bouleversée. Mais pour être déjà officielles et régulatrices de cette vie, les émissions n'en ont pas perdu pour cela leur caractère de guerre. Des garçons armés montent la garde en bas. Chaque fenêtre n'est plus un regard sur le monde extérieur, mais un poste éventuel de combat. Voilà donc la vie du studio d'essai racontée à chaud, pourrait-on dire. Qui est celui qui parle à ce moment-là, Karine Lamaille ? Bertrand d'Astorg est un compagnon de route d'esprit. Donc chez Fer, là aussi, toujours l'idée de la fidélité, qui va partir en Angleterre, qui va travailler dans les services de la BBC et qui va revenir effectivement dans les premières heures de la libération et qui va être chargé par la suite de tous les contacts avec les forces américaines. Donc c'est une figure vraiment extrêmement importante, même stratégiquement, hein, politiquement. Une autre figure qui compte beaucoup dans cette radio de la Libération, parce qu'il sera une des figures du combat, pourrait-on dire, des combats racontés au jour le jour et au moment même, c'est la figure de Pierre Crenès. Vous pouvez nous dire qui est ce jeune Pierre Crenès, à la petite moustache, qui joue un rôle même historique, puisque c'est lui qui ouvre l'antenne de la radio de la nation française libérée. Le premier jour, c'est quoi le premier jour ? C'est quand est-ce qu'on commence à émettre, Karine Alors, on commence à émettre, c'est très très court, hein, mais le ICI, radiodiffusion de la nation française, que Crenès lance, c'est le 20 août à 22h45, quelque chose comme ça. Et qui est ce Pierre Crenès, justement ? Journaliste, très jeune journaliste, qui a été vraiment un personnage clé pour Schaeffer, parce qu'il l'a aidé en fait à repérer dans les services d'information tout le personnel qui n'était pas trop compromis dans l'occupation et qui donc, parce qu'ils ont fait leur marché en quelque sorte, les résistants. Il fallait écarter certains, mais il fallait quand même garder les figures les moins compromises. Comme dans toutes les administrations publiques. Il faut que la roue tourne, il faut que la radio continue. Mais Pierre Crenès, oui, excusez-moi, qu'on entendra très longtemps à la radio française par la suite, lorsqu'on écoute les archives des années 50, 60. Il sera correspondant à New York en partie, à Washington. Oui, il va partir. On l'écarte quand même, hein, Crenès. Toutes les personnes qui ont navigué, enfin qui ont gravité autour du studio d'essai, vont petit à petit être écartées parce qu'elles ont pris trop le goût de l'indépendance, cher Schaeffer. Nous sommes allés, au prix de difficultés considérables, avec la voiture d'enregistrement de la radio de la nation française, dans les quartiers où les barricades spontanément se sont élevées avant même que le Conseil national de la résistance et l'état-major des forces françaises de l'intérieur en aient lancé l'ordre, nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades et d'où ils tirent sur les patriotes français. Nous sommes tout près de la place de la République dans une toute petite rue, qui donne sur un grand boulevard, et nous apercevons devant nous une barricade de sacs de sable. Tout autour de nous, des éléments des forces françaises de l'intérieur, armés, repèrent une fenêtre d'où on ne sait qui tire sur eux. Vous êtes là depuis combien de temps ? Voulez-vous m'expliquer ? Depuis une demi-heure. Non, mais vous êtes du secteur, Vous habitez le quartier ? J'habite le quartier, monsieur, oui. C'est un camarade des forces françaises de l'intérieur à qui nous allons poser quelques questions et à qui surtout nous allons demander de nous exposer la situation dans ce secteur. C'est ça, monsieur, oui. Les Allemands sont bien sur la place de la République, oui, sur toute la place. À proximité, c'est-à-dire à 150 mètres environ. D'ici ? D'ici, oui. Et ils ont élevé, eux aussi, des barricades tout autour. Des barricades, oui, et on les a reçus à coups de canon et ils tirent dessus, évidemment. Voici un camarade qui passe avec un fusil mitrailleur, un revolver et une grenade. Je pense qu'il va faire une opération vers le petit hôtel d'où on croit qu'un élément ennemi tire. Car depuis quelques instants, nous entendons des coups de revolver qui passent. On nous signale... C'est une alerte ? C'est une alerte, oui. Bon, alors si vous voulez, rentrons un petit peu sous la porte cochère. C'est pas la peine de rester en plein milieu de la rue et de risquer inutilement. Puisque tout autour du micro de la radio de la Nation française se sont groupés un certain nombre de camarades, brassards tricolores au bras, armes en main. Voilà, formidable reportage donc du côté de la République. Et... Mais le reportage, c'est ça. Est-ce que c'est un reportage? Est-ce que c'est une reconstitution? C'est une capacité de description formidable des reporters de l'époque, parce qu'on y est, quoi. On voit le Porsche du côté de la République, on voit même quasiment les barricades et les sacs de sable, en l'occurrence, Karine Le Bay. Alors, voilà, c'est un reportage, ça n'en est pas un, c'est une reconstitution, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que le micro, à cette époque, c'est pas, on ne peut pas avoir un reporter qui se met à crier, enfin, sauf on écoutera plus tard un document pendant l'attentat contre De Gaulle, mais tout le monde garde une certaine tenue, parce qu'il faut savoir que cette époque, c'est des radios très écrites, et qu'une personne interviewée va avoir un ton quand il dit « oui, monsieur ouais. ». On peut tout à fait imaginer que même c'est... dans le feu de l'action, il allait dire oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, et d'ailleurs, on voit, d'ailleurs, il y a des images qui sont d'ailleurs reproduites dans le documentaire dont on parlait tout à l'heure, qui est passé à la télévision hier soir et qui repassera le 11 septembre sur toute l'histoire. Des images de Pierre Crenès, aidé de Michel Droit, descendant les Champs-Élysées avec le général de Gaulle, aux côtés du général de Gaulle, alors qu'effectivement, les moyens techniques de l'époque, il n'y avait pas de Nagra, il n'y avait pas de magnéto-enregistreur avec batterie, et donc on était obligé d'avoir des sortes de fils à la patte. Ben, il tire les câbles d'un camion qui suit en fait la route juste à côté. Enfin, c'est vrai que c'est inimaginable l'économie en fait de la radio à cette époque, qui permet quand même cette mobilité là et cette réactivité. Donc c'est, même si c'est pas réel, cette réactivité là à chaud est extraordinaire pour 44. Alors on a également des grands auteurs, vous le disiez, qui clandestinement ont préparé des déclarations. On a retrouvé, on les diffusera pas aujourd'hui évidemment, les déclarations de Camus ou d'autres au moment de cette libération de Paris. On les a déjà entendues dans d'autres émissions, mais là c'est Paul Éluard qui intervient, donc on écoute Paul Éluard en 1944. Chers auditeurs, c'est enfin Paris qui vous parle. C'est Paris qui vient d'arracher son bâillon, qui retrouve sa liberté. Et pour Paris, la liberté, c'est la vie. Dans quelques jours, demain peut-être, la France délivrée sera redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être pour ceux qui lui gardaient intact leur amour, la plus belle, la plus douce, la plus profonde et la plus légère des patries, notre patrie. Mais à cette joie légitime que le peuple de Paris exprime aujourd'hui dans ses rues, crépitante hier encore du feu du combat, se mêle une retenue, une gravité indescriptible. Des larmes voilent nos rires. Paris n'oublie pas ses morts, ses héros, ses martyrs. La France n'oublie pas ses fils assassinés, torturés, prisonniers, déportés, les meilleurs des nôtres. Ceux qui s'interrogent parfois sur le ton d'André Malraux en 1964 auraient intérêt à se plonger dans ce type d'archives pour comprendre d'où vient ce type d'éloquence. Paul Éluard, en août 1944, là, c'est écrit. Oui. Tout préparé. C'est toujours une radio quand même assez écrite. Donc, tous les reportages, beaucoup de reportages, on en a entendu, sont écrits. Et vraisemblablement qu'ils étaient diffusés ou pas, ce qu'on a écouté, on peut tout à fait imaginer qu'ils avaient été systématiquement écrits, même dans le feu de l'action. On les retrouve, les communiqués, de toute façon, dans les archives Schaeffer. Oui, parce que vous pointez du doigt encore une complexité supplémentaire. C'est-à-dire que les archives que nous avons, nous ne savons pas si elles ont été vraiment diffusées ou si elles ont été enregistrées. Alors, il y a aussi, c'est une autre question. L'autre question, effectivement, et qui est de taille, c'est la question de la réception. Parce qu'il y a 5 petits émetteurs dans Paris qui est privé d'électricité. Et on entend à un moment donné, effectivement, l'électricité donnée quartier par quartier. La fonction réelle d'information de la radiodiffusion de la nation française, telle qu'elle s'appelle à ce moment-là, est sans doute assez limitée. Et puis, il y a très peu de récepteurs. Les radios ont été saisies pendant l'occupation. Non, il reste des récepteurs. C'était les émetteurs qui avaient été saisis, donc les auditeurs peuvent écouter la radio. Mais il faut pouvoir, encore une fois, avoir l'électricité pour l'écouter. Et la radio est très vraisemblablement, c'est ce qui ressort un peu des travaux sur les baïades après libération, autant c'est un outil indispensable pour les Français pendant l'occupation. Ils vont même jusqu'à écouter Radio Paris pour avoir des informations. Mmh. Et puis, ils écoutent les radios périphériques ou le Radio Londres. Mais dans l'immédiat après libération, les informations sont moins capitales. La presse va reparaître assez vite. En fait, c'est la fonction symbolique de cette radio qui, parce qu'elle s'est libérée toute seule, parce qu'elle est prête à émettre, parce qu'elle a des documents, peut avancer toute seule sans les alliés. Alors, elle a tellement de documents qu'elle va donc reconstituer parfois les documents qui lui manquent, parce qu'elle n'a quand même pas été partout à tous les endroits où la libération de Paris se tenait. Elle a donc parfois reconstitué ses documents. On va écouter par exemple cette reconstitution. Là, on en est à peu près sûr. Rue Froidevaux, on est mardi à 15h45 ou à 16h, je ne sais plus. Et on entend le colonel Kléber qui débat avec un autre membre de la résistance intérieure. Là, c'est de l'art. Là, c'est du théâtre. Ça, oui. C'est du théâtre, on écoute. Mardi 16h, rue Froidevaux, au quartier général des transmissions FFI, en présence du colonel Kléber, chef adjoint de l'état-major national. Vous allez diffuser ça. Permettez-moi, colonel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un appel à l'insurrection générale. Vous savez que jusqu'à présent, il nous a été interdit d'orchestrer l'insurrection à la radio. C'est un refus. Non, pas seulement, il faudrait une confirmation du secrétaire général de l'information. Bon. Alors, dans ce cas, permettez-moi une question, mon colonel, il me semble utile pour que nous puissions coopérer avec vous sans la moindre arrière-pensée. Vous savez que des bruits circulent dans Paris, sans doute des bobards. On parle de deux divisions allemandes, blindées. Ah, les divisions fantômes. Oui, qu'est-ce qu'il faut en penser ? En fait, il s'agit d'un épouvantail à l'usage de certains Parisiens qui consentent certes à leur délivrance, sans la vouloir, elle et ses risques. Quel est l'effectif exact des... En fait, en gros, il y a 40 chars tigres. Ah oui. Alors, mon colonel, est-ce que c'est indiscret de vous demander quel est l'objectif exact au point de vue militaire de l'insurrection ? Alors, nous sommes les deux, les dés étant jetés, je puis bien vous fixer notre plan. L'insurrection générale, mettant les Allemands dans un climat d'hostilité totale, accélérera leur désarroi, déjà très visible. Par les barricades vieux moyens, nous entendons supprimer les communications entre leurs îlots de résistance, le Majestic, le Meurice, l'école militaire, Luxembourg, etc. Interdire aussi leur raid dans Paris par camions armés dont vous avez été les témoins et les victimes. Victoire, voitures blindées et chars. C'est le rôle exact des barricades. Enfin, si démesuré que ça paraisse, nous voulons nous-mêmes libérer Paris. Cela vaut bien un risque, et notamment le vôtre. Ne doutez pas, mon colonel, de la participation. Je crois que ces questions sont pressées. Ici se termine l'appel aux armes. Première partie de la chronique sonore de Paris libéré, montée par Pierre Schaeffer avec des documents authentiques enregistrés pendant l'insurrection. Voilà donc la conclusion. Nous avons fait nous-mêmes un petit montage à l'intérieur de ce très long document de l'appel aux armes de Pierre Schaeffer. Alors là, il dit monter donc par Pierre Schaeffer avec des documents authentiques, mais il y a des documents qui sont visiblement inauthentiques au milieu de tout ça. Là aussi, c'est compliqué de s'y retrouver, Karine Lebas. Oui, parce que je pense qu'en fait, à cette époque, Schaeffer et ses acolytes se souciaient relativement peu de l'authenticité historique. Historique absolue. Ce qui les intéresse, c'est de reconstituer cette histoire pour en faire un roman historique, un roman d'édification qui montre que la radio française était arrivée. S'est libérée soi-même. Voilà. Donc, le fait qu'il le diffuse, il diffuse cet appel aux armes le 2 septembre, montre qu'il y a urgence aussi à faire valoir toute la mobilisation interne de la radio à sa propre libération et une radio d'accompagnement des combats d'insurrection parisienne. Quoi. Anaïs Quin. D'ailleurs, il y a un plan de l'armée américaine pour prendre possession aussi des ondes françaises pour installer ce débarquement, cette libération. Comment cela va se passer justement avec l'équipe de Pierre Schaeffer ? C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va dépêcher Bertrand d'Astorg, qu'il va organiser des petits déjeuners, des conférences, des cocktails avec les troupes américaines au studio d'essai pour leur faire écouter à chaud cet appel aux armes, et ça dès la fin du mois d'août. Donc on peut véritablement penser que Schaeffer a eu une action décisive en fait sur l'indépendance conservée de cette radio et l'AMGOT. Je crois que ça se décide vers le 28 août que les troupes d'occupation renoncent en fait à intervenir dans les programmes de la radio française. Oui. Donc il va partir aux États-Unis plus tard avec ce reportage. reconstituer ce travail, donc vraiment de radio élaboré, peut-on dire. Pierre Schaeffer, qu'est-ce qu'il va faire avec ce document quand il part aux États-Unis, en fait, Pierre Schaeffer? Il part avec des associations américaines comme l'association France Forever. Ça lui permet de faire le tour de certaines ambassades et ça lui permet de se porter en correspondant inofficiel, parce que il n'est pas crénesse, mais il se pose en fait en porteur de cette culture. Ce qui l'anime encore une fois, c'est de faire valoir la puissance de l'esprit français, de la culture française. Donc il a dans sa mallette, avec ce document, des hommes politiques, mais il a aussi Éluard qui parle, il a Aragon, il a la voix de Mauriac, il a la voix de Camus, et ce sont des personnages extrêmement importants dans l'immédiate après-guerre. Donc il les a dans sa mallette pour partir aux États-Unis. Alors on a eu de la radio dont on se demandait si elle n'était que de reportage, de la radio dont on a pensé avec vous, Karine Lebaille, qu'elle était de la reconstitution de studio, d'éléments peut-être de reportage. Et puis, on a de la radio dont on ne sait pas grand-chose. Par exemple, cette demande pour les cloches, donc à la fenêtre théoriquement de ce studio d'essai, on demande à faire sonner les cloches. Mais est-ce que c'est du reportage, de la reconstitution? On écoute. Est-ce que ce sont nos disques, est-ce que ce sont les cloches? Non, ce sont les cloches. Non, les opérateurs, arrêtez vos disques. Où sont les cloches? Mais il faut approcher le micro de la fenêtre. Approchons le micro de la fenêtre, parce que ça nous parle. Il y a d'ailleurs accompagnement de canons sur les cloches. Chante dans la tierce avec le canon. Vous n'entendrez peut-être pas parce qu'elles sont quand même. Faisons silence complet. Non, c'est beaucoup trop loin pour que les... C'est beaucoup trop loin. Il y a des gens qui chantent, hein. Il y a des gens qui chantent. Écoutez, nous demandons, si vous avez entendu les cloches, que quelqu'un d'entre vous, que celui qui a entendu, nous appelle. Non, surtout pas. Non, parce qu'on va... Si nous donnons notre numéro de téléphone, nous foutons tout notre service en l'air, parce que tous nos réseaux sont bloqués. Écoutez. Ce serait peut-être le moment de la Marseillaise, maintenant que nous avons une confirmation. Oui, bien sûr. Écoutez, si quelqu'un... Oui, bon, très bien, mais dites-le. Qu'est-ce qu'on entend de... Je viens de me pencher à la fenêtre et j'entends des gens qui ont ouvert la leur et qui crient « Vive la France !» N'est-ce pas? C'est absolument réconfortant d'entendre ça par cette nuit qui est tellement paisible et tellement belle. Voilà encore une autre archive donc tirée de ce fonds de l'INA, extrêmement riche, comme le disait tout à l'heure Anaïs Quien, autour de cette libération de Paris, parce qu'on a non seulement fait des émissions, mais on a pensé à les conserver parce que c'était des témoignages pour l'histoire. Karine Lebaille, effectivement, cet appel aux cloches, est-ce que ces cloches sont si présentes que cela? Est-ce qu'on les a renvoyées en enregistrement au milieu de ce direct? On ne sait plus très bien, là. Mais on a envie d'y croire. Ou alors on a envie de se dire que les réalisateurs de docufiction d'aujourd'hui seraient bien inspirés d'écouter des reconstitutions qui sonnent tellement justes, tellement vraies. Et il est vrai quand même, quand on écoute ces documents à l'INA, certains ne sont pas montés, donc on a des séquences qui sont entrecoupées de blanc, de silence, on a l'impression qu'il y a des hésitations. Ça a quand même toute la couleur sonore d'un vrai direct. Et en même temps, ça paraît totalement incroyable de se dire qu'on a un son de ces cloches lancées à toute volée par les curés de Paris, voilà, au soir du 24 août. Donc ce serait tellement magique qu'on a envie d'y croire, mais maintenant... Oui, on peut terminer avec un autre moment où les cloches sonnaient, c'est-à-dire avec Notre-Dame de Paris. On est donc devant Notre-Dame de Paris et on a là la vraie diatribe de la libération, parce qu'il y a un vocabulaire, il n'y a pas simplement ce vocabulaire soutenu qu'on a eu, mais il y a des moments où on est dans les combats et on le dit. Voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur 5e colonne, trahissant une fois de plus leurs paroles, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater. Je crois que le calme est à peu près rétabli, car étaient massés les tanks et les braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat, vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent, le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes en costume national, ayant le ruban noir frappé de la cocarde bleu-blanc-rouge, lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victime jusqu'à présent. C'est Raymond Marcillac que nous entendons avec cette langue véritablement de l'action. Les salopards, les coups de pétard, mais aussi cette préscience, pourrait-on dire, de Raymond Marcillac, puisqu'il voit que le général de Gaulle s'assied dans le fauteuil présidentiel et il se tient droit sous la mitraille. Voilà, alors que il est vraiment magnifique. Le journaliste semble terrifié. Voilà, donc un formidable document. On peut terminer avec vous, Karine Lebaille, en rappelant le travail que vous avez fait avec d'autres, sous votre direction, avec Martin Kaltenecker, aux éditions du CNRS sur Pierre Schaeffer. Vous continuez à travailler sur lui, un peu. Oui, ben, obligatoirement, il vient recroiser tellement de questions sur qu'est-ce qu'une scène, qu'est-ce que la mise en scène, qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce que l'histoire ou le théâtre de l'histoire, que évidemment il m'accompagne encore. Et puis on peut faire un appel, non pas aux armes, mais un appel aux chercheurs en disant qu'il y a tous ces documents, il y a des documents écrits, des documents sonores, et que quelqu'un qui voudrait se lancer dans un master ou dans une thèse autour de cette écriture justement de cette radio de la Libération serait bienvenu, parce que ça vaudrait le coup. Plus généralement sur le radiodrame et l'insertion de ce radiodrame dans des moments historiques et leur fonction. C'est vrai que ce serait un très beau sujet. Et puis on peut dire aussi, Karine Lebaille, qu'on peut vous entendre sur France Musique. Alors, nouvel horaire, l'horaire de vos greniers de la musique. Ce sera désormais le dimanche de 15h à 16h pour les greniers de la mémoire qui fêtent leurs 20 ans. Voilà. Donc on va retraverser un peu certaines émissions qu'on a aimé faire durant ces 20 années. Merci Karine Lebaille, en tous les cas, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous Anaïs Kien. On se retrouve demain. Et demain, nous allons débattre des représentations cinématographiques, en l'occurrence de l'Occupation et de la Libération. Sylvine Depergue et Jean-Pierre Bertin-Maguitte. Et d'ailleurs, je vais vous quitter très très vite pour aller préparer ces petits extraits de films que nous vous ferons écouter demain matin. Merci encore et à demain.